Docteur Jean Helmiger, né en 1935. Texte écrit par Pierre Lance, auteur du livre Savant maudit, chercheur exclu, tome 4. Le docteur Jean Helmiger, citoyen de la Confédération helvétique, fit ses études à Berne et à Lausanne. Il obtint son diplôme fédéral de médecin en 1960 et le doctorat de l'Université de Berne en 1961. Jusqu'à 1968, date à laquelle il ouvrit son cabinet à Lausanne, après avoir obtenu un diplôme de spécialiste FMH en médecine interne, il poursuivit sa formation hospitalière dans 6 grands hôpitaux et cliniques universitaires, en Suisse et à l'étranger. C'est dire que Jean Helmiger avait suivi la formation la plus classique qui soit, et que rien, apparemment, ne le prédestinait à devenir un médecin contestataire des grandes orientations de la faculté. Rien, sinon cette petite flamme malicieuse qui brille apostrophe dans le regard des pionniers, et qui fait soupçonner que l'on a affaire à un guerrier de la connaissance qui ne saurait se contenter des idées reçues et des routines régnantes. Aussi, le cheminement de Jean Helmiger allait bientôt prendre ses distances avec les autoroutes balisées de la médecine orthodoxe, dès lors qu'il se rendit compte que celle-ci prétendait tout soigner, mais ne guérissait rien, ou presque. Voici comment il nous conte, dans son livre La médecine retrouvée, ses premiers pas dans le domaine médical, par prédestination congénitale et familiale, ce qui au demeurant, n'est pas si mauvais. Je suis né en 1935 dans une famille de médecins. Les instances supérieures qui m'ont permis ce premier choix n'ont pas lésiné sur l'encadrement. Car la famille Helmiger, de Luzerne, est en vérité un cas, une curiosité même. Il en existe peu, en Europe, de ce modèle, qui ait donné autant de médecins à leur pays. Elle ne s'est pas contentée d'en produire 5 ou 6, voire 9 ou 10, comme tant de vieilles familles honorables. Non, chez nous, c'est vraiment dans le sang. Une sorte de tare hippocratique, un vice. Les pères et les fils, les oncles et les neveux, les cousins, tout le monde porte la marque. Une seule exception, la génération de mon père. Mais cet accroc fut vite réparé. Quand il fallut m'inscrire à la faculté, avec l'immaturité de mes 18 ans, je n'eus pas longtemps l'embarras du choix. Le chef spirituel du clan, la sœur aînée de mon père, personnalité forte et autoritaire, décida pour moi d'un ton sans appel. Je serai le 22e médecin de la famille, et mon frère le 23e. Mais ce que la tante souveraine n'avait sans doute pas prévu, c'est que le petit Jean allait recouvrer un peu plus tard la liberté de choix qu'elle lui avait subtilisée. Il serait médecin, soit, mais un médecin d'une espèce particulière, disons carrément révolutionnaire, qui allait bientôt soumettre la faculté aux salves nourries de son esprit critique pour aboutir à la conclusion que son enseignement ne valait pas tripette, et qu'en fait, elle vouait les jeunes médecins à patauger leur vie durant dans les abus d'une chimie agressive qui ne faisait, dans le meilleur des cas, que masquer les symptômes, tout en polluant les organismes, et en corrompant leur système immunitaire. Quant à moi, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir connu plus tôt les travaux du docteur Jean Helmiger. Je le regrette, d'autant plus que j'avais certainement entendu prononcer son nom au cours de mes recherches dans le domaine dit des médecines alternatives, mais, accaparé par de nombreuses tâches, je n'avais pas eu le loisir de m'informer à son sujet. C'est à Francis Parot, dynamique animateur du bulletin Helvétique MNA Club, de Montreux, que je dois d'avoir appris la publication du second livre de Jean Helmiger Le traitement des maladies auto-immunes. Dans cet ouvrage, édité 24 ans après le premier, l'auteur affine les observations et déductions tirées de cette expérience prolongée, et surtout en montre la justesse par l'exposé d'un grand nombre de cas concrets, retranscrits avec les autorisations des patients concernés. Il va sans dire que ces guérisons authentiques comptées dans le détail confirment avec force l'efficacité de sa méthode. Son premier livre, publié en 1985 et réédité en 1989, La médecine retrouvée, exposait toute la théorie de l'homéopathie séquentielle, méthode de traitement homéopathique mise au point et pratiquée avec succès depuis plus de 30 ans maintenant par le docteur Helmiger, dont on peut dire qu'il est le dernier en date des grands pionniers qui ont fait de l'homéopathie une thérapie promise à un avenir triomphal, et cela essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que la médecine chimique, mécaniciste et bactériophobique qui est devenue, dans le sillage de Louis Pasteur, une véritable religion, accumule en ce moment les plus dramatiques échecs contre les maladies chroniques et dégénératives qui ne cessent de progresser. La propagande constante que les grands médias conformistes et corrompus mettent au service de cette médecine fallacieuse et de son industrie pharmaceutique conquérante pourra faire encore illusion quelque temps auprès des foules abatties, mais la constante détérioration de la santé des populations ouvrira bientôt les yeux des plus myopes. La seconde raison qui assurera tôt ou tard, la victoire des médecines de terrain, et en particulier de l'homéopathie, est que ces thérapies, toujours en but au sarcasme des mandarins arrogants, n'ont cessé de se perfectionner et qu'elles seront bientôt les seules à pouvoir restaurer la santé des humains, agressés de toutes parts. Car aux terribles pollutions industrielles que diffuse le monde moderne, s'ajoute constamment la pollution médicale elle-même, qui sous prétexte de masquer les symptômes de nos dérèglements organiques, envahit les corps de toutes sortes de substances aux effets incalculables. Il en résulte une augmentation alarmante des maladies dites iatrogènes, c'est-à-dire médicamenteuses et nosocomiales, c'est-à-dire hospitalières, mais également, ce qui commence tout juste à être perçu, une grave détérioration de notre environnement, venant s'ajouter à celles qui ont d'autres origines. Car à l'insouciance coupable des industries qui relâchent dans la nature leurs déchets toxiques vient se joindre la non moins grande insouciance des médecins, pharmaciens et malades, qui oublient, depuis plus de 100 ans, qu'un médicament chimique n'est presque jamais biodégradable, qu'il est pratiquement indestructible, et qu'après avoir traversé notre corps pour y remplir plus ou moins bien le rôle auquel on le destinait, il est éliminé au plus vite par les voies naturelles, sans parler de ceux qui sont directement jetés. Je ferai à ce propos au docteur Elmiger un léger reproche, il nous parle souvent de médicaments chimiques qu'il vaut mieux jeter à la poubelle, mais ce n'est qu'une façon de parler, car ce n'est surtout pas dans la poubelle que l'on doit s'en débarrasser, et ils doivent être impérativement rapportés au pharmacien, ou à un pharmacien qui ne vous connaît pas, si vous voulez faire cela discrètement, mais, de grâce, ne jetez pas n'importe où ces rebuts de la sorcellerie moderne. Qu'ils soient jetés dans la nature ou éliminés par votre organisme après absorption, ce médicament va se retrouver fatalement dans les cours d'eau, les nappes phréatiques et la mer. Il y empoisonnera lentement les poissons et les mollusques dont nous nous régalons encore, jusqu'à ce que plus personne ne puisse se croire à l'abri de la destruction programmée d'une civilisation qui a perdu tous ses repères éthiques et moraux. Alors, peut-être, dans un dernier sursaut collectif de la volonté de vivre, les humains déboussolés comprendront-ils soudain que seuls peuvent les sauver les thérapies non chimiques, celles qui respectent et vivifient l'ordre biologique, celles qui n'emploient que des médicaments immatériels, pour reprendre le bel adjectif qu'emploie fréquemment le docteur Elmiger. On connaît en effet l'argument utilisé par tous les ignorants qui se gaussent de l'homéopathie, après maintes dilutions, il n'y a plus un atome de matière active dans la petite bille blanche. Ces pauvres gens sont incapables d'imaginer les subtils phénomènes qui aboutissent à une imprégnation, à une mémorisation, voire la mémoire de l'eau de Jacobin Veniste, à un rayonnement informatif effectivement immatériel donc spirituel, disons le mot, qui n'a plus besoin de la matière qui lui a donné le jour, parce qu'il en a tiré la substantifique moelle, c'est-à-dire toute l'énergie ondulatoire qui permettra de rétablir l'harmonie biotique. L'histoire de l'homéopathie est bien mal connue du public et des médecins eux-mêmes. Dans le meilleur des cas, on connaît le nom de son génial inventeur, Samuel Hahnemann, 1755-1843, mais on ignore qu'il fut suivi de disciples de grands talents qui perfectionnèrent sans cesse la méthode initiale. Vous les trouverez réunis dans le livre de Jean Elmiger La médecine retrouvée. Il y cite notamment en ces termes le docteur Constantin Ring. Ce médecin allemand, né le premier jour du 19e siècle, avait été chargé par son directeur de thèse d'étudier la doctrine de Hahnemann pour la combattre ensuite en toute connaissance de cause. Or, comme il arrive toujours aux intelligences éveillées, la vérité du principe homéopathique s'imposa à son analyse critique avec une telle véhémence qu'il devint rapidement le plus ardent défenseur de la méthode. Il fut sans conteste le disciple le plus brillant du maître et contribua par ses succès exemplaires à la diffusion internationale de l'homéopathie. Émigré aux USA, il y forma de nombreux adeptes et créa la première académie américaine d'homéopathie. Hahnemann s'est rendu immortel pour avoir codifié la loi de similitude. Ring, lui, peut prétendre à la même gloire pour avoir défini la loi qui porte son nom, et qui peut s'énoncer ainsi, la maladie évolue toujours de la périphérie vers le centre, de l'extérieur vers l'intérieur, et la guérison procède en sens inverse, en évacuant le mal de l'intérieur vers l'extérieur, du centre à la périphérie. La portée de cet adage est universelle. La loi de Ring, totalement méconnue de nos professeurs, s'applique aussi bien à l'allopathie qu'à l'homéopathie, et n'est hélas jamais enseignée aux étudiants en médecine. Elle règle pourtant de façon inexorable la destinée de tous les malades, et seul le médecin qui s'y soumet peut oser promettre à son patient une guérison durable. Comme toute idée géniale, elle paraît simplette, tant est évidente sa simplicité, accessible au bon sens le plus rude. Et de fait, depuis 7 ans que je l'explique à mes malades, j'ai toujours constaté que le robuste bon sens de monsieur tout le monde admet sans discuter qu'une rougeole n'est bien guérie, que lorsqu'elle est bien sortie, alors qu'une intelligence académique l'admet de moins bonne grâce. Mais la suprême hardiesse de cette loi est qu'elle prétend régir non seulement l'expression topographique de la maladie, mais aussi son déroulement chronologique. Un abcès guérit spontanément en crevant à la peau, cette évolution locale se voit, pas de mystère à cela. Mais il faut aussi savoir ceci, une croûte de lait du nourrisson, devenue eczéma chez le jeune enfant, se transforme souvent en asthme un peu plus tard. L'aggravation est chronologique, tout autant que topographique. Avec les années, le mal a empiré en quittant la peau, la surface, pour gagner l'intérieur du corps. Or la même loi de Ring veut que la guérison de cette maladie interne, l'asthme, ne soit totale, que si notre asthmatique élimine son mal interne, en le sortant à la peau, redevenant ainsi pour un temps l'enfant eczémateux qu'il avait été, puis enfin le bébé dartreux. La guérison ne s'obtient que dans le respect strict de la régression spatio-temporelle. Ne voilà-t-il pas déjà une approche aussi originale que logique ouvrant à la médecine de vastes perspectives? Mais l'Académie de médecine et la faculté ayant jeté aux orties avec arrogance toute méthode s'efforçant de discerner, au-delà des symptômes immédiats, le cheminement réel des pathologies au sein de l'organisme, il est évidemment exclu qu'elle oriente les futurs médecins dans cette voie. Et, si vous parlez à nos mandarins de la loi de Ring, il est probable qu'ils vous répondront, qu'exexa, et se détourneront de vous en haussant les épaules. Au demeurant, pourquoi voudriez-vous qu'ils lisent la médecine retrouvée? Ils ne savent même pas qu'elle s'est perdue. Cet ouvrage passionnant est en grande partie autobiographique, ce qui était une nécessité pour faire comprendre au lecteur comment Jean Helmiger avait pu, pas à pas, de progrès en progrès, parvenir à des réussites thérapeutiques éclatantes, comme par exemple la guérison d'une jeune patiente atteinte de mucoviscidose, maladie encore réputée incurable. Se remémorant son aventure exploratrice, après l'ouverture de son cabinet, voici ce qu'il confesse à ses lecteurs. Après les longues études, monotones et astreignantes, après les stages hospitaliers, intéressants, mais pénibles, je pensais enfin répondre librement à ma vocation. Je dus vite déchanter. Les journées étaient bien longues, passées face à face avec mes malades toujours souffrants, plaintifs et résignés. Ils revenaient sans cesse avec les mêmes doléances. Pourtant, je ne faisais pas d'erreur. J'étais fier de mon savoir tout neuf, que j'appliquais scrupuleusement à mes traitements. Mais les cardiaques avaient toujours besoin de mes médicaments, les hypertendus aussi, les rhumatisants et les diabétiques également, de même les ulcéreux, les angoissés, les épileptiques, les asthmatiques, et l'immense cohorte des fonctionnels, tout. Et je devrais passer ma vie à les soigner? Les soigner seulement, sans espoir de les guérir? Moi, imprégné de médecine jusque dans mon code génétique, je ne leur serais donc qu'une sorte de bon samaritain, à vie? Jamais. Je m'étais fait une autre idée de la médecine. Et je compris aussitôt que j'avais été dupé. Ce que j'avais appris ne me permettait pas de rétablir la santé. Pourtant, ouvrez le dictionnaire, vous y trouverez sous médecine, art de maintenir ou rétablir la santé. Pourquoi alors mes professeurs ne me l'avaient-ils pas appris? Je sus beaucoup plus tard qu'ils ne savaient pas eux-mêmes ce qu'était la santé. Toutes mes études avaient été guidées par des maîtres imbus de rationalisme scientifique. La raison raisonnante, la pensée logique, vous savez, celle qui domine notre cerveau gauche. Eh bien, cette pensée-là, elle ne peut que disséquer, analyser, peser, mesurer. Or la santé est fille de la vie. Et la vie, elle, n'est pas mesurable. Nul ne peut l'arrêter pour la regarder droit dans les yeux, ni la fixer sur pellicule ou la conserver dans le formol. On ne peut, ni la voir, ni la toucher, ni l'entendre, la flairer ou la déguster. Elle échappe à nos cinq sens, laquais impuissant de l'analyse scientifique. La vie n'appartient pas au monde matériel, et à ses compartiments. Elle est par essence une et indivisible, elle ne se laisse pas fractionner, sous peine de mort. Que fait-on dans nos universités? On dissèque des cadavres, on observe au microscope, on analyse des paramètres multiples. Dame médecine se fait chimiste. Mais son objectif premier, qui est de guérir, elle lui tourne résolument le dos. La preuve? Sachez donc qu'en Occident, aucune faculté n'a songé à ouvrir une chaire de santé, la médecine ne guérit plus, me voilà tout penaud. Que faire alors? Me résigner, comme mes malades? Il me faudrait alors rejoindre le troupeau rassurant des confrères et appliquer à la lettre le diktat de la faculté, sous l'égide bienveillante de la grande industrie pharmaceutique, et pour le plus grand bonheur de trop nombreux intermédiaires, je décide de retourner à l'école. Ces 15 années d'études médicales, ce n'était que la maternelle, le jardin d'enfants. Maintenant, il me faut entrer en classe primaire inférieure. Quels seront mes professeurs? Je ne peux pas vous les nommer tous. J'en ai eu au moins 500. Ils sont sagement rangés sur les rayons de ma bibliothèque, du moins ceux que j'aime bien. Et Jean Helmiger va nous parler de ses trois principaux enseignants qui lui ont ouvert les yeux sur la médecine véritable. D'abord le docteur Victor Pochet, grâce à son livre édité à Paris en 1929. Je le dévorai, et y découvris avec émerveillement tout ce que la faculté ne m'avait pas appris sur l'hygiène respiratoire et alimentaire. Puis le livre du docteur de Sambucy, qui lui fait découvrir en 1970 l'importance de la colonne vertébrale, elle aussi oubliée par la faculté. Enfin les ouvrages du docteur Jacques Ménétrier l'initieront à l'énergie d'ionisation, et à la catalyse biologique, elle aussi superbement ignorée par la faculté. D'étape en étape, Jean Helmiger en vient à l'homéopathie et découvre l'ouvrage fondamental de Samuel Hahnemann, qui sera pour lui, la suprême révélation. Il nous conte ainsi cette rencontre capitale. Je me suis donc procuré, à grand peine, son fameux Organon de l'art de guérir, réédité en 1975, traduit de la 6e édition allemande par le docteur Kmi de Genève. C'est l'œuvre magistrale, parue en 1810, qui résume globalement sa pensée. La forme en est désuète, le texte présenté en 291 paragraphes, à la façon d'un ancien traité de théologie. mais le choc que transmet sa lecture ne peut pas laisser indifférent, aujourd'hui encore, l'honnête homme, ou le médecin. Il est la fulgurance de la vérité. Je n'avais jamais rien lu d'aussi intelligent sur l'art de guérir. Vous pouvez imaginer ma consternation, de ne découvrir qu'à 40 ans le livre le plus indispensable à l'éducation du médecin. Ce jour-là, j'ai maudit le temps perdu. Hélas, sachez que de nos jours encore, par l'effet d'un désolant ostracisme, la quasi-totalité des étudiants en médecine ignore jusqu'à l'existence de ce chef-d'œuvre. À partir de cette lecture bouleversante, le docteur Helmiger va consacrer toute sa patience à l'étude et à l'application de l'homéopathie. Mais, doté d'un perfectionnisme exigeant, il va bientôt s'interroger sur les échecs enregistrés par les homéopathes les plus expérimentés. Certes, l'homéopathie obtient souvent de très beaux résultats, que les mandarins infatués de l'allopathie mettent systématiquement sur le compte de l'effet placebo, en oubliant que cet effet placebo bénéficie à toutes les thérapies sans exception, y compris, et même surtout, à l'allopathie. Pourquoi dis-je, et même surtout? Parce que l'effet placebo, que l'on pourrait aussi bien appeler effet de la confiance ou effet de la croyance, est en réalité l'appui essentiel de l'allopathie ou médecine conventionnelle, puisqu'elle est la seule à profiter de la constante et mensongère propagande médiatique sur les merveilleux progrès de la médecine, dont on nous rebat sans cesse les oreilles bien qu'ils soient purement chimériques. La chimie a fait des progrès, oui, très dangereux d'ailleurs, la radiologie a fait des progrès tout aussi dangereux, comme l'ont bien montré les récents scandales des irradiations excessives, l'ingénierie médicale a fait des progrès à des coûts faramineux, la chirurgie a fait des progrès, mais la médecine elle-même, aucun. Quant à l'homéopathie, on pourrait en attendre une bien plus grande efficacité, et c'est ce qui a motivé toute la démarche de Jean Helmiger. Pendant des années, il a cherché, avec toute l'obstination du vrai pionnier, pourquoi cette médecine d'une admirable logique théorique ne réussissait pas toujours. Et il a fini par comprendre que le premier rôle de l'homéopathie était de purifier le terrain, c'est-à-dire de débarrasser l'organisme de toutes les traces des agressions accumulées depuis la naissance, et même durant la gestation. Car notre corps garde la mémoire de toutes choses et conserve des cicatrices internes de tout ce qui lui est advenu, choc physique ou psychique, maladie et accident, toxines infectieuses ou chimiques. Et, ce qui lui est le plus dommageable, ce sont les vaccins qui le polluent pour la vie, et les traitements agressifs de la pharmacopée allopathique qui accumulent dans les chairs et les organes des substances inassimilables, auxquelles viennent évidemment s'ajouter les restes des pesticides agricoles et des colorants et conservateurs de l'alimentation industrielle, de ces déchets divers que le corps n'a pas pu éliminer, dont il ne sait que faire, et qu'il stocke ici ou là comme autant des dépôts d'ordures dégageant des effluves néfastes. C'est pourquoi l'homéopathe classique utilise souvent des draineurs pour tenter de les éliminer, mais Jean Helmiger pense également aux traces impalpables laissées dans le psychisme. Pour les trouver, il utilise la radiesthésie, dont il maîtrise la pratique depuis des années. Est-il surprenant de constater qu'il y a un parallélisme navrant entre la manière dont nous corrompons nos propres corps et celle dont nous encombrons la planète de déchetteries sauvages ? Ce gigantesque pourrissement de la nature et de nous-mêmes n'est-il pas l'ultime conséquence des folies d'une civilisation matérialiste qui a perdu son honneur et son âme, et ne sait même plus ce que ces mots veulent dire? On peut se demander si l'humanité a encore un avenir. Je veux croire que oui, et Jean Helmiger veut aussi le croire, car malgré les 30 années d'ostracisme dont il a été victime, il ne doute pas que l'homéopathie séquentielle ne soit tôt ou tard reconnue. Au fait, pourquoi séquentielle? Eh bien parce que son découvreur a constaté par expérience qu'elle n'atteignait sa pleine efficacité, que si le praticien prenait soin de remonter le temps, c'est-à-dire de commencer le grand nettoyage par les agressions les plus récentes, puis de remonter peu à peu la biographie pathologique du patient selon une stricte chronologie, jusqu'au premier choc de la venue au monde. Ce sont donc ces séquences thérapeutiques temporelles qui l'ont amené à qualifier de séquentiel sa méthode homéopathique. Dès 1975, nous dit-il, je me livrais à un véritable travail de détective, recherchant chez tous mes malades la totalité des événements de leur vie susceptibles d'avoir laissé des traces immatérielles. Je me fis archéologue du corps astral, scrutant chaque cicatrice, chaque bosse de leur enveloppe invisible, et ce que je découvris me stupéfia. Alors que la technique de vol ne m'avait permis que certaines trouvailles, en réalité, les gros incidents bien épais, mon nouveau procédé me révéla les moindres ficelles et les nœuds les plus anodins. Je dus bientôt me rendre à l'évidence. La liste des événements qui impriment une marque indélébile sur notre doublure énergétique est bien plus longue que nous l'imaginions, nous autres médecins. Elle ressemble curieusement au catalogue des pressentiments inquiets de la jeune mère attentive à chaque menace guettant son enfant. Au nombre de ces événements plus ou moins traumatisants qui vont s'inscrire dans notre mémoire organique ou cellulaire, Jean Helmiger donne une place de choix aux vaccins, à ces inoculations théoriquement préventives, mais qui n'en sont pas moins très agressives sur l'instant. Après avoir énuméré les chocs qui peuvent déjà se produire au cours de l'accouchement, et dont il déplore le processus moderne consistant à allonger la parturiente, alors que durant des millénaires les femmes ont accouché dans la position naturelle accroupie qui facilite grandement le travail d'expulsion, le docteur Elmiger constate, avec une indignation difficilement contenue, les pratiques vaccinatoires aberrantes auxquelles sont soumis les nourrissons. Et il écrit. Puis la mauvaise fée en blouse blanche se penche sur les berceaux. Dès l'âge le plus tendre, parfois, hélas, dès le premier jour, très tôt, beaucoup trop tôt, la pédiatrie moderne soumet les petits organismes immatures à un intense bombardement énergétique dont certains ne se remettront jamais. Ce que la nature, dans son immense sagesse, ne se permettra jamais, le pédiatre va le réaliser en toute bonne conscience. Vous ne verrez jamais votre enfant tomber malade, le même jour, de la rougeole, des oreillons et de la rubéole. La nature n'est pas cruelle à ce point, le pédiatre, lui, croit sincèrement donner une chance supplémentaire de survie à votre bébé en lui inoculant le même jour quatre maladies dont trois au moins peuvent être mortelles. Certes, la découverte des vaccins a été une grande étape sanitaire de notre civilisation, mais elle n'aurait jamais dû engendrer le gâchis actuel, responsable de tant de décès cachés et d'innombrables maladies chroniques. Vacciner contre la diphtérie, le tétanos et la polio, oui, certainement, mais pourquoi le même jour? Pourquoi si tôt? Pourquoi si abruptement, sans aucune préparation à ce choc? Car tout vaccin est un choc, sans exception. Même le ridicule vaccin contre la coqueluche, si peu efficace, que nombre de pédiatres s'obstinent encore à joindre aux trois autres. La problématique des vaccins illustre malheureusement la dérive générale de notre civilisation, qui à partir de pratiques pouvant être bénéfiques tant qu'elles sont utilisées avec mesure, et à bon escient, se précipite dans une systématisation abusive qui aboutit à créer des dangers pires que ceux que l'on prétendait éviter. Et cela se produit le plus souvent lorsque la commercialisation intervient et prend le pas sur la notion de service. Bien que je sois personnellement un farouche partisan du libéralisme et de l'économie de marché, je considère que les produits de santé constituent un commerce très particulier qui devrait pouvoir échapper, au moins partiellement, à la loi du profit et de la publicité, ostensible ou occulte. Les multinationales de l'industrie pharmaceutique sont devenues de telles puissances économiques qu'elles sont en mesure de briser toute résistance politique ou citoyenne. Elles phagocytent toutes les instances de décision, influencent ou corrompent par les moyens les plus divers tant les médecins que les parlementaires, trop souvent médecins eux-mêmes, les journalistes, ou les experts. Leur seul impératif est de vendre, et elles ont fait du vaccin ou du médicament un produit manufacturé ordinaire dont il convient de pousser la consommation par tous les moyens, sans aucune considération pour la santé des populations, quoi qu'elles prétendent. Sans aller jusqu'à souhaiter la nationalisation de l'industrie pharmaceutique, qui ne ferait sans doute que substituer les inconvénients de la bureaucratie et de la démagogie à ceux de la marchandisation, au moins faudrait-il qu'elle soit soumise au contrôle de comités d'experts rigoureusement indépendants, et d'une éthique irréprochable, sans parler de leur formation médicale à toutes les disciplines, orthodoxes ou non. Toute forme de publicité devrait en outre lui être interdite, tant vis-à-vis des médecins que du public. Ainsi, au moment même où j'écris ces lignes, je suis absolument scandalisé par la publicité télévisée qui vante les avantages totalement fallacieux d'un vaccin contre le cancer du col de l'utérus que l'on ose proposer à des jeunes filles de 14 ans, ou plutôt à leur mère, soumises au feu roulant de dangers menaçants brandis sans vergogne, alors que tout vaccin contre quelque forme de cancer que ce soit est totalement utopique, quoique certainement très profitable aux actionnaires des grands laboratoires de la pharmacochimie. On est toujours à ce sujet soumis à l'idéologie pasteurienne, qui privilégie le rôle de l'agent extérieur en minimisant celui du dérèglement organique. Mais est-il vraiment besoin d'être un expert pour savoir que l'augmentation continue du nombre des cancers a trois causes principales? A. Les pollutions de toutes sortes qui corrompent notre environnement, notre agriculture, et par voie de conséquence, nos corps eux-mêmes. B. Une alimentation industrielle dénaturée et additionnée de substances chimiques plus ou moins toxiques. C. La mauvaise hygiène de vie de la plupart des citoyens des sociétés modernes. Et l'on voudrait nous faire croire qu'il serait possible de se protéger d'un cancer par un pseudo-vaccin contre un virus quelconque. C'est une malhonnêteté caractérisée et un abus cynique de la crédulité du public. D'ailleurs, les professeurs Béchamp et Tissot, deux savants maudits de mon premier tome, ont démontré l'un et l'autre, par des méthodes différentes, mais aux résultats convergents, qu'un organisme déréglé, intoxiqué ou amoindri fabriquait lui-même des agents pathogènes internes issus de l'autocorruption cellulaire. Ce qui n'était, au demeurant, que l'illustration médicale de ce constat philosophique qu'il me plaît de citer souvent, tout ce qui meurt, meurt de sa propre corruption, tout le dommage est au-dedans, et que nous devons au poète grec Ménandre, 342-292 avant Jésus-Christ. On répand volontiers de nos jours l'idée, que même si un vaccin ne donne pas une protection garantie, au moins est-il rarement dommageable. Or, il est impossible de se fier aux statistiques officielles sur les accidents vaccinaux, par le simple fait qu'aucune enquête épidémiologique sérieuse n'a jamais été entreprise à ce sujet, et que ces statistiques reposent uniquement sur les déclarations spontanées des médecins, qui, même lorsqu'ils sont honnêtes, ne peuvent pas toujours établir avec certitude une relation de cause à effet. Mais en outre, indépendamment des accidents spectaculaires, il existe des traumatismes plus subtils qu'aucun médecin allopathe n'est capable de discerner, et qui sont pour lui, pratiquement invisibles. Jean Elmiger nous explique à ce propos. Si l'expérience des homéopathes a montré que le premier vaccin suffit à laisser une trace immatérielle indélébile, il n'en reste pas moins vrai que chaque rappel du même vaccin ajoute au déséquilibre initial sa propre vague perturbatrice. Les répétitions mensuelles de ce triple ou quadruple assaut, pratiquées pour parfaire l'immunité, embrouillent souvent à tel point les chevaux graciles de certaines jeunes vies délicates que la santé paraît définitivement compromise. Essai, la course aux armements chimiques, de plus en plus tueurs, ordonnée par le stratège omniscient en blouse blanche, la pratique journalière m'a aussi montré, et tous les homéopathes l'ont constaté, qu'un choc peut résulter de n'importe quel événement, à n'importe quel âge. Ce peut être, par exemple, une grande frayeur, un gros chagrin, une narcose, une commotion cérébrale, naturellement aussi une hémorragie abondante, une transfusion de sang, un avortement. Et toute chimiothérapie prolongée, surtout antibiotiques et antidépressives, la terrible cortisone également, et les sels d'or. Les drogués sont choqués en permanence, comme les alcooliques. Pour que l'organisme ainsi traumatisé par tous les chocs de la vie, naturels ou artificiels, accidentels ou provoqués, psychiques ou chimiques, puisse retrouver sa complète harmonie. Il faut donc une technique capable d'effacer une à une toutes les cicatrices invisibles et profondes accumulées dans notre chair, et dans notre esprit. Et cette technique, cette thérapie reconstructrice, ce sera l'homéopathie séquentielle mise au point par Jean Elmiger pendant de longues années d'expérience médicale. Et il nous dit « Le seul moyen qui me soit donné d'effacer une à une les tristes cicatrices du passé, c'est bien sûr l'homéopathie qui va me le procurer. L'acupuncture pourrait-elle aussi prétendre à pareil tour de force, mais à grand-peine, et sans la garantie d'une efficacité durable. Aucune technique médicale ne saurait allier une telle élégance à une pareille efficacité, aucune technique courante n'approche d'aussi près l'immatérialité de la vie. Car le remède homéopathique n'est pas une banale substance matérielle. Il n'est ni végétal, ni minéral, ni chimie quelconque. Il est énergie immatérielle, et non plus substance, puisqu'il a été créé par des substantialisations. Voici une remarque qui me semble très pertinente, et qui nous fournit l'explication rationnelle de cette médecine déclarée irrationnelle par les ignorants. La technique homéopathique vise en effet à ne retenir que la subtile énergie enfouie dans toute substance, et à la libérer de la matière qui l'emprisonnait, afin qu'elle puisse exprimer toutes ses potentialités spirituellement vitalisantes. Comment les allopathes chimistes qui pratiquent la médecine au marteau-pilon pourraient-ils comprendre une telle sublimation? Si le docteur Elmiger condamne la pratique excessive de la vaccination chez les tout jeunes enfants, il n'est pas opposé à la vaccination par principe et de façon absolue, mais il conseille d'en atténuer le choc à l'avance par l'homéopathie, afin que le système immunitaire soit mis en alerte, et il écrit « Comment je vaccine ?» La technique adoptée est simple. Puisque la vaccination est un choc, pourquoi ne pas l'atténuer en alertant les responsables de la défense quelques jours auparavant? Je vous ai dit que les pédiatres vaccinent trop abruptement. C'est vrai, ils introduisent des toxines plus ou moins virulentes dans l'organisme enfantin par des voies que la nature n'a pas prévues, et sans crier gare, pour ainsi dire par effraction. Ce reproche justifié tombe. Si je me donne la peine de prévenir la garde par un simulacre d'agression, l'avant-veille de l'attaque, pour ce faire, je donne à l'enfant une dynamisation idoine d'une ozode vaccinale, deux ou trois jours avant le vaccin. Néanmoins, le docteur Elmiger a une bête noire, deux, si l'on ajoute la cortisone, et c'est le BCG. J'imagine à quel point il a dû se réjouir lorsqu'il a appris tout récemment que l'obligation vaccinale du BCG en France, le seul pays arriéré à l'avoir maintenu plus longtemps que tout autre, était enfin abandonnée. Après l'ultime feu d'artifice d'une nouvelle formule dont quelques milliers de pauvres bébés français ont été victimes. Car il n'a pas de mots assez durs, dans son livre La médecine retrouvée, contre cet empoisonnement qu'il tient pour principal responsable de la déchéance française. Il a sur ce sujet deux pages d'une sainte colère dont le lyrisme atteint des sommets. Je ne résiste pas au plaisir de vous en donner un extrait. Le mal français tient en un mot de trois lettres, le BCG. Ne riez pas. Ce n'est pas une boutade, je n'ai jamais été aussi sérieux. Le BCG est le vaccin que la France s'enorgueille d'avoir inventé pour protéger l'humanité de la tuberculose. Hélas, la glorieuse invention n'est qu'un leurre, un attrape-nigaud, un cadeau empoisonné. Pis, c'est la ruse la plus cynique que l'esprit du mal ait jamais imaginée pour avilir l'homme et le bétifier. Je vais tout aussitôt m'efforcer d'éclairer votre lanterne. Et d'abord, que signifient ces trois lettres? B veut dire bacille. C et G sont les initiales des deux inventeurs du vaccin. Je ne vous donne pas leur nom. Exprès. Qu'ils soient oubliés à jamais, effacés comme ces noms de pharaons maudits par la postérité vengeresse. Ils ont fait trop de mal à la France tout entière, et à tant d'autres peuples. L'essentiel de leurs travaux est résumé dans un livre de propagande intitulé « La vaccination préventive contre la tuberculose par le BCG ». Les quelques pages que j'ai retenues sont édifiantes à souhait. L'esprit scientifique est bafoué, et même la simple logique et le bon sens. On peut parler tout court de manquement grave à la probité intellectuelle. Ce sont là les deux grands savants que la faculté honore. Des imposteurs, oui. Et quelle toupet. Des laborantins en apprentissage n'oseraient pas présenter pareil tissu d'ineptie devant leur commission d'examen, ils seraient recalés sur le champ. Et nous, médecins, nous avons gobé ces sornettes sans sourciller. Que n'avons-nous lu la mise en garde du docteur Paul Chavanon ? Dans La guerre microbienne est commencée, édité en urgence à Paris en 1950, le célèbre homéopathe français tire la sonnette d'alarme et porte au grand jour le mécanisme diabolique de la machination. Car machination il y eut. Le lancement du BCG est un modèle de gangstérisme économique, une gigantesque et malhonnête opération commerciale. Rien ne manque au scénario, un inventeur farfelu, des expériences de laboratoire truquées, un vernis pseudo-scientifique, des statistiques tronquées, une publicité hantée, l'appui acheté des mandarins, et suprême astuce, la gratuité du produit, financée par le contribuable, depuis cette année noire, le drame est consommé. Il n'est pas un Français qui ait échappé à la toxine fatidique, agent sournois du mal mystérieux qui a mis à genoux l'une des plus brillantes civilisations de la planète. Jean Helmigé est en effet persuadé que toutes les faiblesses actuelles de la société française découlent de cette intoxication systématique par le BCG, de deux ou trois générations de Français, et qu'elle a fait perdre à notre peuple ses qualités d'antan. Si c'est vrai, et je suis porté à croire, je ressens quelque fierté à avoir dénoncé le criminel vaccin dans le numéro 7 de juin 1981 de l'Ère Nouvelle, en rendant compte du livre du docteur Marcel Ferru La faillite du BCG. Marcel Ferru, professeur de sciences fondamentales, et qui fut titulaire de la chaire de clinique médicale infantile à l'école de médecine de Poitiers, figure dans le premier tome de Savants maudits, chercheurs exclus. Nous sommes débarrassés du BCG après 58 ans d'esclavage, mais les gangsters en blouse blanche ne manquent pas de ressources. Le vaccin contre l'hépatite B, qu'ils n'ont heureusement pas réussi à rendre obligatoire sauf pour les malheureuses infirmières, n'en est pas moins si fortement conseillé qu'il cause partout des ravages. Et n'oublions pas le sempiternel vaccin contre la grippe, escroquerie exemplaire matraquée chaque automne à un public télémanipulé, avec la gratuité pour les personnes âgées, ce qui permet de ponctionner un peu plus la sécurité sociale. Or, le vaccin antigrippal est une pure chimère, pour la simple raison que les virus grippaux sont en constante mutation, et que les trois spécimens sélectionnés parmi les dizaines d'autres pour le vaccin 2008, auront déjà changé d'identité avant que le stock de vaccins ait été distribué. Le plus amusant, si j'ose dire, et que la preuve de son inutilité est donnée par ses promoteurs eux-mêmes, trop stupides pour s'en apercevoir, ou trop confiants dans la crédulité de leurs victimes. Car ils nous répètent depuis des années, dès que l'hiver approche, que 2 millions de Français vont contracter la grippe inexorablement. Et ce chiffre n'a pas baissé d'un iota depuis que leur merveilleux vaccin protège nos concitoyens. N'est-ce point l'imparable démonstration de son inefficacité ? Jean Helmigé ne se contente pas dans ses livres de développer sa théorie. Il l'appuie sur de nombreux exemples de succès thérapeutiques remportés auprès de patients en grande souffrance, et auxquels la médecine orthodoxe n'apportait aucun soulagement et encore moins d'espoir de guérison. C'est surtout dans son second ouvrage, Maladie auto-immune, qu'il offre à ses lecteurs une multitude de cas de pathologies diverses dont il a pu venir à bout grâce à l'homéopathie séquentielle. Mais déjà dans la médecine retrouvée, il relate quelques guérisons spectaculaires, de ces guérisons qui ont établi solidement sa réputation en Suisse, en France et ailleurs. Je parle de sa réputation auprès des patients, car bien entendu, à de rarissimes exceptions près, ses collègues allopathes ne lui accordent aucune considération. Il ne croit déjà pas à l'homéopathie, alors, qu'on lui ajoute l'adjectif séquentiel, auquel ils ne comprennent rien, vous pensez. Et ne parlons pas de la faculté, pour qui Jean Helmigé ne peut être qu'un dangereux charlatan, dont il convient de mépriser ostensiblement les méthodes, que l'on ne saurait condescendre à étudier si peu que ce soit. Mais voici l'un des exemples les plus remarquables d'une santé retrouvée par un jeune enfant mal en point grâce à sa prise en main par le docteur Helmigé. Je reçois en mars 1981 le jeune Benoît D. de Fully, en Valais, né en 1977. À l'âge de 4 mois, il fait une très forte bronchite et reçoit du clamoxyl, l'antibiotique à la mode. Ce traitement énergique n'améliore pas sa santé, bien au contraire, puisque l'état général périclite rapidement de façon catastrophique. Les bronchites se suivent sans répit, et se compliquent de fous croupes. Du 5e au 24e mois, selon l'expression de la mère, l'enfant est nourri au clamoxyl. Mais rien n'y fait. Le pédiatre doit se résigner à l'hospitalisation. À l'hôpital, le traitement est repris, identique. Pourquoi changer ? L'antibiothérapie n'est-elle pas le summum de l'art de guérir ? À peine sorti de clinique, voici, déjà la récidive. Nouvelle bronchite, nouveau coup de massue médicale, et ainsi de suite. À 2 ans et demi, l'enfant n'est plus qu'une ombre et ne supporte plus rien. On se décide à l'opérer. Il faut bien faire quelque chose. Le spécialiste de Lausanne lui enlève les végétations, les bronchites disparaissent, mais pas les rhumes, qui deviennent de plus en plus pénibles, avec forte fièvre et fatigue extrême. Naturellement, le pédiatre intervient brillamment chaque fois avec son clamoxyl, mais la nature a ses limites, même pour un robuste petit valaisien. Les globules blancs viennent à manquer. Le pédiatre, génial, change de massue. Le bambin reçoit du Bastrim, qui ne produit aucun effet, c'est alors l'admission dans un service de soins intensifs. Après 15 jours, l'enfant est hors de danger, mais non point guéri. Les bronchites récidivent, le clamoxyl est brandi à chaque nouvelle alerte, la responsabilité du médecin est dégagée, mais le garçonnet que je vois devant moi n'est plus un enfant, c'est une petite chose muette, une ombre, une caricature. Quelle sera sa vie? Les parents attendent dans l'angoisse la prochaine récidive, car les globules blancs ne se décident pas à remonter. Que puis-je faire pour ce garçon? Vous allez voir, la réponse est simple, je vais tout bonnement lui changer sa destinée, en faisant le plus naturellement du monde mon travail de médecin. D'abord le diagnostic, il saute aux yeux. Ce garçon souffre d'un énorme déséquilibre de son énergie vitale. Pourquoi? Parce qu'elle a été déséquilibrée. Par quoi? Par la séquence perturbatrice que voici, vaccin BCG à la naissance. Grosse bronchite à 4 mois, clamoxyl, vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite, clamoxyl, rappel d'itepérpol, clamoxyl, d'itepérpol, clamoxyl, d'itepérpol, clamoxyl, clamoxyl, clamoxyl, clamoxyl, clamoxyl, narcose, Bactrim, oreillon, vaccin contre la rougeole, clamoxyl, clamoxyl, clamoxyl, de cette succession de chocs, seuls les oreillons émergent avec naturel. Le reste est iatrogène. Comment rétablir l'équilibre? En effaçant une à une les séquelles immatérielles de ces chocs, en respectant, bien sûr, la chronologie inverse. Rien de plus facile. D'abord, j'ai chassé les souvenirs des antibiotiques et de la narcose avec un mélange iso et homéopathique idoine. Résultat, gros rhume. En avril, j'ai effacé la rougeole artificielle avec le nosode de la rougeole, dénommé morbillinum. Réaction, 40 de température et visage rouge tomate. En mai, j'ai éliminé le fantôme des oreillons avec le nosode parotidinum, mi-juillet, celui des 4 vaccins DTPP avec leurs nosodes respectifs, et fin août, j'ai porté l'ultime coup avec le nosode BCG du terrible vaccin initial qui avait probablement tout gâché. Je revois l'enfant en septembre, c'est un miraculé. Il a repris une mine superbe et mange enfin, son caractère s'est éclairci, ses petits camarades l'admettent à nouveau dans leur jeu. Son énergie vitale a repris son cours harmonieux, il est guéri. Je le vois encore 3 fois l'année suivante, pour fortifier son terrain, et il n'a plus jamais été sérieusement malade depuis lors. Ses 3 frères se sont soumis à la même dépollution iatrogénique que lui, et voilà toute une famille qui ne s'en laissera plus compter par les demi-médecins allopathes, et leur chimie. On se demande vraiment si le pédiatre en cause, en principe spécialiste de la santé des enfants et ayant théoriquement reçu la formation adéquate pour remplir ce rôle ô combien délicat, a rempli son devoir de médecin en prescrivant systématiquement le même antibiotique, censé régler miraculeusement tous les problèmes de son jeune patient. Pas un instant il ne semble s'être astreint à une recherche soigneuse des troubles de son organisme et de leurs origines. Pour lui, la médecine était tout entière contenue dans le slogan dogmatique, les antibiotiques, c'est automatique, parodiant à l'avance la formule contraire que l'on allait enfin, une 20aine d'années plus tard, diffuser sur toutes nos antennes, qu'est-ce que ce piteux médecin aurait fait avant l'invention des antibiotiques? Se serait-il contenté de regarder l'enfant les bras ballants en hochant la tête? Et en avouant son impuissance, ce récit nous montre bien l'effet pervers d'un médicament efficace, ce qu'un antibiotique est sans nul doute, dès lors qu'on le considère comme une panacée, et que l'on ne cherche plus ailleurs. C'est tout simplement de la paresse intellectuelle, à laquelle aucun médecin digne de ce nom, qu'il soit allopathe ou autre, n'a le droit de s'abandonner. Et je rappelle que Fleming, l'inventeur de la pénicilline, le premier antibiotique historique, précurseur de tous les autres, avait pris soin d'avertir qu'il ne fallait pas en abuser, ni l'utiliser à tout propos. Il aura fallu plus d'un demi-siècle pour que son avertissement soit enfin entendu, et que l'on se décide à limiter le recours aux antibiotiques. Encore le fait-on de manière bien timide, en se contentant de rappeler qu'ils sont inopérants contre les virus, ce que normalement tout médecin correctement instruit aurait dû savoir. L'inconvénient de ce message trop partiel, c'est qu'il laisse entendre par omission que pour toute infection qui n'est pas d'origine virale, l'antibiotique demeure souverain. Il l'est dans de nombreux cas, certes, mais de façon éphémère, et non sans perturber gravement la flore intestinale, indispensable au maintien d'un système immunitaire performant. Car l'antibiotique est un bombardement massif qui tue sans discernement les civils et les alliés, tout autant que les ennemis. Or, les bactéries amies qui vivent en symbiose avec nous, et sont indispensables à notre santé doivent être préservées, car si elles sont décimées, le risque est grand qu'elle soit remplacée par des congénères pathogènes. C'est pourquoi, non seulement l'usage de l'antibiotique ne doit pas être automatique, mais il doit plutôt être considéré comme le dernier recours, l'arme ultime à n'employer que si l'infection déborde les défenses naturelles, et que rien d'autre ne permet de la juguler. Restaurer les défenses naturelles, fortifier l'énergie vitale, purifier le terrain organique des séquelles des agressions de toutes sortes qu'il a pu subir, tels doivent être les objectifs du vrai médecin, de quelque méthode qu'il se prévale, et tel fut, tout au long de sa carrière, le souci constant du docteur Helmiger, dès qu'il se fut évadé du conformisme paralysant de la médecine académique. Grâce à la logique de cette démarche, soutenue par une éthique exigeante, et par la passion de son métier, ou plutôt de son art, l'un des plus difficiles, mais aussi l'un des plus beaux du monde, Jean Helmiger a obtenu de nombreux succès, au profit de ses patients, et quelques échecs qu'il ne veut pas dissimuler, toujours attentif à discerner les erreurs qu'il a pu commettre, mais qui découlent le plus souvent d'une information incomplète ou erronée quant au vécu du malade. Car l'homéopathie séquentielle, ayant pour principe directeur de remonter le temps pour effacer chronologiquement et une à une les cicatrices invisibles de divers chocs de la vie, elle ne doit pas manquer une seule étape pour atteindre sa complète réussite. Dans son second ouvrage, Maladie auto-immune, le docteur Helmiger passe en revue un nombre important de cas particuliers choisis, avec leur accord, parmi les malades qu'il a suivis souvent durant plusieurs années jusqu'à leur guérison. Auxquels s'ajoutent ceux, qui ayant rapidement retrouvé des capacités satisfaisantes et l'absence de douleur, ont cru pouvoir s'arrêter en chemin, et ne pas poursuivre le traitement séquentiel jusqu'à son terme, pour revenir penauds un jour vers le médecin qu'ils avaient laissé sans nouvelles, afin de lui demander de parachever son travail, dont ils avaient apprécié l'efficacité première sans comprendre qu'elle n'était qu'une étape vers une complète réhabilitation de leur santé. Parmi les maladies auxquelles s'est attaqué avec succès le docteur Helmiger, auprès de patients que la médecine chimique était impuissante à guérir, et que sa réputation d'homéopathe inventif et chevronné avait attiré vers lui, on relève les pathologies suivantes, spondylarthrite ankylosante, uveïte chronique, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, lupus érythémateux disséminé, érythème noueux, sarcoïdose d'épelade, sclérose en plaques. Il ne s'agit pas, comme on peut le constater, de ces petits bobos que les mandarins condescendent parfois à tolérer que l'homéopathie les traite, mais bien de pathologies graves et invalidantes qui gâchent complètement la vie des malheureux qui en sont atteints. Alors, me direz-vous, comment est-il possible qu'après des décennies de traitements efficaces et des milliers de patients délivrés de leurs maux et lui tressant des lauriers dans toute l'Europe, Jean Helmiger n'ait pu réussir à faire reconnaître la valeur de sa thérapie et continue de se heurter à l'ostracisme des allopathes, et même au scepticisme de ses confrères homéopathes eux-mêmes. Car si l'esprit de routine sévit chez beaucoup d'humains, sans parler de la jalousie qui incite à voir d'un mauvais œil celui qui réussit, là où vous échouez, il n'explique pas tout. Tous ceux qui ont lu mes trois premiers tomes savent désormais à quoi s'en tenir sur la diversité des obstacles qui se dressent devant les audaces du pionnier, et plus encore devant ses réussites. Le récit qui va suivre, extrait de maladie auto-immune, informera mon lecteur de la nature des crocs en jambes qui attendent le découvreur. La spondylarthrite ankylosante chronique, connue dans mon pays sous le nom de « maladie de Bechterew », est une maladie rhumatismale progressivement invalidante, à mécanisme auto-immunitaire, qui débute chez l'adulte jeune et atteint avec prédilection les articulations de la colonne vertébrale, qu'elle rigidifie et déforme de façon impressionnante. Son évolution est souvent très douloureuse et occasionne de très nombreuses interventions médicales, qui déçoivent généralement les malades. Bref, elle est réputée incurable, et de plus, elle écourte sensiblement l'espérance de vie. Sa fréquence est relativement élevée, car on en recense pas moins de 10 000 dans notre petit pays, pour une population de 7 millions d'habitants. La Suisse étant le paradis des associations les plus diverses, il n'est pas étonnant d'y trouver une association Bechterew, forte à ce jour de plus de 3500 membres. Cette société dispose de finances confortables, qui lui permettent d'éditer un bulletin trimestriel tiré à 14 000 exemplaires, distribué gratuitement à tous les cabinets médicaux spécialisés du pays. Je l'ai moi-même reçu, durant des années, en ma qualité de spécialiste en médecine interne, et l'ai lu avec le plus grand intérêt. Cette lecture régulière m'a finalement inspiré une idée, la spondylarthrite ankylosante n'étant pas une rareté, j'ai eu la chance d'accueillir ainsi au cours des années quelques transfuges exigeants, bien décidés à se faire guider enfin sur le chemin de la santé. Ayant acquis grâce à ce petit groupe une expérience réjouissante de cette importante pathologie auto-immunitaire, l'idée m'est venue tout naturellement d'en faire profiter le plus grand nombre en m'adressant à leur association. Et conduit une première fois par un président âgé, lui-même très atteint par la maladie, j'ai laissé passer une année et attendu l'élection d'un président plus jeune, de formation universitaire, lui aussi touché par le mal, qui a bien voulu m'accorder un rendez-vous. Ainsi, le 29 octobre 1992, il me reçoit au siège de l'association à Zurich, en présence de sa secrétaire et de deux membres de son comité. Je leur expose aussitôt les grandes lignes de ma thérapie séquentielle et les excellents résultats obtenus dans la spondylarthrite ankylosante, en apportant aussi la liste de quelques malades guéris qui m'avaient autorisé à citer leur nom pour un témoignage probant. Je leur propose d'annoncer, par le biais de leur revue, une série de conférences destinées à faire connaître ma méthode. Je les sensibilise au fait que les succès sont d'autant plus spectaculaires que la thérapie est appliquée sitôt le diagnostic posé. Je pense inviter ainsi les plus jeunes affiliés à se faire connaître et me mets gracieusement à leur disposition pour instaurer une série de traitements. Après m'avoir écouté avec attention, le président me promet d'étudier ma proposition, qu'il doit encore soumettre à tous les membres de son comité. Je prends congé, confiant dans le succès de mon initiative, et j'attends. Pour donner plus de poids à ma démarche, je réussis à convaincre une de mes anciennes malades, qui ne souffre plus de son mal, et qui habite Zurich, à venir témoigner aussitôt au siège de l'association. Comme moi, elle est très aimablement reçue, et fait volontiers état de sa guérison. Les semaines passent, puis les mois. Je ne reçois aucune nouvelle. Les bulletins de la société se succèdent, je n'y trouve aucune allusion à ma proposition. Ai-je été mal compris? N'ai-je pas été convaincant? Malgré mes titres, m'ont-ils peut-être pris pour un charlatan? La réponse à toutes ces interrogations, je la reçois plus tard de la bouche d'un autre de mes patients rhumatisants, homme d'affaires bien introduit dans certains milieux industriels. Il me fait lire attentivement la liste des donateurs qui figure à la dernière page de la revue. La somme totale des dons reçus me paraît en effet un peu maigre pour assurer le financement des activités multiples de l'association. Le gros des subventions est occulte, et provient, selon ses dires, de celui à qui la maladie profite, du colosse pharmaceutique qui en fait ses choux gras. Nous mettons ici le doigt sur l'une de ces invraisemblables collusions entre certaines associations de malades et les mandarins qui les subventionnent pour mieux les avoir à leur botte et pouvoir étouffer toute velléité de contestation de leur médecine empoisonneuse. Pour paradoxal qu'il soit, ce processus a sa logique. Tentons de l'analyser. A. Des patients atteints d'une maladie grave réputée incurable se regroupent, afin de chercher ensemble à soutenir la recherche médicale dans le domaine qui les concerne, mais aussi dans un but d'entraide entre les malades. B. Ils prennent contact avec des sommités de la médecine spécialistes de leur pathologie, qui naturellement les félicitent de leur initiative et les mettent aussitôt en rapport avec le laboratoire pharmaceutique élaborant le, ou les médicaments censés être efficaces dans leur cas. C. Le laboratoire concerné les accueille chaleureusement et subventionne volontiers leurs activités, et leurs moyens de communication, voyant là l'occasion d'entretenir une clientèle captive, qui sous couleur d'information des patients et des médecins, se chargera en partie de la promotion de leurs produits. D. L'association sera également un excellent moyen de surveillance des thérapies concurrentes et des novateurs éventuels qui viendraient proposer leurs services, et que l'on pourra discréditer tout à loisir en se gardant bien d'examiner ce qu'ils offrent. Dans le cas où les dirigeants d'une association feraient mine de manifester quelque intérêt envers des thérapies non chimiques ayant fait leurs preuves, le laboratoire mécène leur fera vite comprendre qu'il ne lui sera plus possible d'aider financièrement une association qui prête l'oreille à des charlatans. E. Le comité directeur de l'association se laissera aisément convaincre que les propositions qui lui ont été faites ne sont pas sérieuses et ne méritent aucune attention, car il ne pourra se résoudre à envisager l'appauvrissement soudain d'une si belle structure qui offre à ses représentants prestige et notoriété, car voyez-vous, les hommes sont ainsi faits, que même plongés dans la douleur et presque aux portes de la mort, ils ne peuvent renoncer à jouer un rôle honorifique dans la comédie humaine, pour peu que de généreux donateurs parfaitement désintéressés leur en fournissent l'occasion. Il arrive d'ailleurs que des associations complices de ce genre soient suscitées par les mandarins eux-mêmes, qui n'ont aucune peine en ce cas, à trouver des figurants tout ébobis d'être ainsi propulsés sur le devant de la scène pour y jouer les marionnettes, les faire valoir, et si besoin est, les chasse-mouches. Aussi ne doit-on pas s'étonner de l'étrange comportement de personnes souffrantes qui écartent d'un revers de main des thérapeutes novateurs et expérimentés venus leur offrir un espoir de soulagement, voire de guérison. Ayant complètement perdu leur autonomie de jugement, ils ont capitulé par avance et ne voudraient pour rien au monde chagriner le grand professeur si aimable et attentionné qui a bien voulu condescendre à s'occuper de leur cas, bien qu'il soit totalement incapable de les ramener à la santé. Anémiés par leur pseudo-traitement, tout autant que par la maladie, ils n'ont plus assez de ressorts, ni de force de caractère. Mais les ont-ils jamais eus? Pour s'engager dans une voie indépendante non estampillée par la Académie de médecine, ils préfèrent souffrir et périr dans l'orthodoxie que se sauver dans la rébellion. Somme toute, ils auront exactement ce qu'ils méritent. Alors, me direz-vous peut-être, si un médecin novateur n'a aucune chance d'obtenir une écoute attentive des cénacles officiels, pas plus que des associations des principaux intéressés, que ne fait-il connaître ses méthodes directement au grand public? Ah, mais c'est que le système est parfaitement verrouillé. La loi interdit au médecin de faire sa publicité. Il peut même être sanctionné, s'il commet l'imprudence de faire des confidences sur ses méthodes à des journalistes alertés par des patients guéris et venus aux nouvelles. Si un article d'un journaliste trop enthousiaste est publié, l'ordre des médecins pourra décider de radier à vie, sous l'accusation de publicité, empêchant ainsi d'exercer le médecin jugé trop bavard. C'est la mésaventure dont fut victime le docteur Jean-Pierre Machy, de Nice, premier découvreur de la pollution électrique et de sa responsabilité dans l'apparition de la sclérose en plaques, contre laquelle il traitait ses malades avec succès, voire mon tome 2. J'ignore ce qu'il en est dans la législation helvétique, mais je subodore qu'il doit en être de même. On aboutit ainsi à une situation totalement ubuesque, dans laquelle les grands laboratoires de la pharmacochimie ont le droit de bourrer le crâne des téléspectateurs avec des publicités mensongères et hontées, leur vantant des médicaments toxiques et des vaccins illusoires, alors que des médecins hautement qualifiés peuvent être considérés comme des hors-la-loi s'ils ont l'audace de publier les témoignages de leurs patients reconnaissants. Je tiens donc à préciser que le docteur Jean Helmigé ne m'a rien demandé. Il n'a aucune responsabilité dans la rédaction de ce chapitre. J'ai décidé seul de vous parler de lui dans ce livre. Lisez les siens, et faites-vous votre propre jugement.